questions about life, truth, and finding love. He is a black man on the search for meaning, compassion, and understanding. Together, they fight to make the relationship last in a world where the rules are always changing. She Said, He Said by Anne-Marie Woods plays from April 13th to May 1st at Montréal Arts Interculturel at 3680 Rue Jean-Mars. For tickets, call 514-922-3386 or visit blacktheaterworkshop.ca. This is a CKUT Black Theater Workshop co-presentation. Le documentaire Salafiste est présenté dans le cadre de la 32e édition du festival Vue d'Afrique, samedi le 23 avril à 15h30. Le tournage du film Salafiste a duré plusieurs années, de 2012 à 2015, et s'est déroulé dans plusieurs pays africains, dont le Mali, la Mauritanie et la Tunisie. Les deux réalisateurs ont pu accéder à des villes comme Tombouctou et Gao, alors qu'elles étaient contrôlées par les djihadistes. François Margolin, co-réalisateur de ce documentaire, est notre invité cette semaine. Merci d'être avec nous pour Amandla. Merci de m'inviter. Quel était votre but en choisissant de réaliser ce documentaire? Ben, le but, c'était une idée que j'ai eue il y a à peu près 3 ans et demi, à l'automne 2012, quand le Nord-Mali a été envahi par les djihadistes de Al-Qaïda au Maghreb islamique, du Moudjahou et de Ansardine, et que j'ai proposé à l'émir Oul Salem, que je connaissais depuis longtemps, puisqu'on avait suivi ensemble la guerre en Libye et qu'on s'était rencontrés à ce moment-là, qui était de faire un film sur la vie sous la charia, c'est-à-dire que comment on vivait quand il y avait la charia qui tout d'un coup arrivait, et ça nous intéressait d'autant plus que c'était un endroit où on parlait français, c'est-à-dire qu'au nord du Mali, on parle français. Moi, j'avais déjà fait un film en 2000 sur les talibans, qui est le seul film qui existe, sur la vie quotidienne sous les talibans, qui s'appelait « L'opium des talibans » et qui montrait à la fois cette vie quotidienne et les contradictions d'un régime qui prétendait respecter à la lettre le Coran, où la drogue est interdite, et en même temps produisait 85% de l'opium mondial. Donc j'avais, si je puis dire, à la fois une expérience dans ce domaine et même peut-être des références, parce que je l'ai fait finalement les salafistes un peu de la même façon, et j'ai proposé qu'on fasse ça à l'émine Oul Salem, qui est donc cet ami, et on a essayé à ce moment-là d'aller sur place. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple, ça a demandé, c'est pour ça que le film s'est fait sur 3 ans, parce que rencontrer tous ces gens-là, ça peut sembler facile, mais c'est pas du tout, c'est pas aller interviewer des stars du football, c'est ou des hommes politiques en France ou au Canada, c'est des choses qui demandent un très long travail d'approche, acquérir leur confiance, c'est des rendez-vous qui sont reporter, c'est des gens qui enquêtent un peu sur vous, c'est des discussions, c'est plein de choses qui font que ça a été long et compliqué de faire ce film, qu'on a pris beaucoup de risques personnels pour aller sur place, parce que c'est tout de même des endroits où il y a eu pas mal d'expériences de journalistes pris en otage ou dans certains endroits même décapités, donc c'était quelque chose, mais on croyait l'un et l'autre qu'il était important déjà à l'automne 2012 de montrer que le djihadisme et le salafisme, c'était une idéologie, et c'était pas seulement, comme on le disait à l'époque, des loups solitaires, comme on l'a dit pour Mohamed Merah quand il a fait les attentats à Toulouse, ou comme il s'appelle Mehdi Nemouch à la synagogue de Bruxelles en Belgique, ou des déséquilibrés, ou des gens qui sortaient en gros de l'hôpital psychiatrique, ou une petite secte, ou un petit groupe, mais que c'était une idéologie qui avait ses intellectuels, mais en tout cas ses référents intellectuels, des gens qui avaient réfléchi à ça, qui n'étaient pas tous des petits dealers de shit de banlieue parisienne, comme trop souvent on le montrait à la télévision. Donc cette idée qu'on partageait les mines et moi, on a voulu la mettre en application en allant voir des gens qui avaient quelque chose à dire. Et c'est ces gens-là qu'on a montré aussi dans le film, parce que le film qui a commencé avec la vie sous la charia a continué sur l'idéologie salafiste, parce que est intervenue entre-temps l'opération Serval, c'est-à-dire l'intervention française au Nord-Mali, qui fait que on a été obligé un peu d'arrêter, disons, notre enquête sur cette vie quotidienne sous la charia, puisqu'il n'y en avait plus, puisqu'ils avaient fui dans les montagnes, ils s'étaient enfuis, les salafistes. Donc, du coup, ça c'était plus compliqué de faire ça. Mais ça nous a semblé ensuite totalement complémentaire de faire à la fois cette vie quotidienne et de montrer la théorie, si vous voulez dire, l'argumentaire de tous ces gens-là. En quoi vous considérez l'importance de comprendre ce discours? Ben, je crois que c'est le principe de base du journalisme, de la fabrication de documentaires et peut-être même aussi des sciences sociales, c'est d'essayer tout de même de comprendre pourquoi les gens font des choses. C'est-à-dire qu'il y a tout de même un moment où ça ne veut pas dire justifier, comprendre, mais comprendre à la fois les causes et puis ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est tout de même essentiel si on veut progresser. C'est-à-dire que c'est comme ça que peuvent se faire les choses. Donc, il me semblait, et il nous semblait, essentiel d'essayer de voir ce qu'il y a dans la tête de ces gens qui, eux, savent parfaitement bien ce que nous, on a dans la tête, parce que souvent, c'est des gens qui ont vécu ici, ou qui regardent nos télévisions, ou qui regardent nos films en permanence, nos radios, et en même temps, nous, on ne sait pas du tout ce qu'ils ont dans le crâne, s'ils ont une pensée, ce qu'ils sont, d'où ils viennent, quel est leur parcours. Et je crois que c'était une chose essentielle et tout à fait complémentaire d'ailleurs de ce qui se fait dans la recherche universitaire, qui a été fait par d'autres journalistes, de la presse écrite ou des choses comme ça. Mais c'était quelque chose de complémentaire d'aller sur le terrain et d'aller voir les yeux dans les yeux à 1 mètre ou 1 mètre 50 des gens qui sont les gens qui terrorise une grande partie de l'Occident aujourd'hui, sans parler d'une grosse partie du monde musulman et de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'était important de voir cette réalité en face, de la connaître et même de la comprendre, parce que comprendre les mécanismes qui font que les gens sont comme ça, ces gens qui, comme ils sont djihadistes, ont déclaré qu'ils nous faisaient la guerre, je veux dire, ça me semble essentiel, et je crois que sinon c'est la politique de l'autruche qui consiste à dire c'est rien et on attend l'attentat suivant et on réfléchit pas d'ici là. Alors je crois qu'il faut réfléchir. Ça fait donc partie de la solution de se pencher sur la compréhension de ce discours. La compréhension, oui, c'est pas de la compréhension pour l'excuser ou pour la justifier, c'est de la compréhension pour savoir ce qu'il pense, savoir s'il peut. Déjà, d'abord, savoir qu'il pense quelque chose, parce que je peux vous dire qu'il y a 3 ans, quand on a commencé, les gens pensaient qu'ils ne pensaient rien. Or, cette chose qui s'empare d'une grande partie du monde musulman, et d'ailleurs, c'est-à-dire qui était il y a 15 ans limité à l'Afghanistan, à quelques zones du Pakistan et à quelques mosquées en Occident, est aujourd'hui quelque chose qui s'étend, qui fait des attentats tous les jours, qui s'étend de la Somalie au Yémen, en passant par l'Irak, la Syrie, qui va jusqu'à tout le Maghreb, qui fait des attentats en Afrique de l'Ouest, en Europe, enfin même au Canada. Je veux dire, c'est quelque chose qui me semble important d'essayer, oui, de comprendre comment des gens en sont arrivés là, et véritablement pas pour les excuser, mais aussi même ne serait-ce que pour voir que c'est des gens d'horizons très différents. Il y a des gens qui sont là pour des raisons purement sociales, il y a des gens qui sont là pour des raisons familiales, et puis il y a des gens qui ont un parcours assez équilibré, à la fois socialement et familialement. Donc il y a toutes sortes de gens qui se rallient à cette idéologie, mais je crois comme à toutes les idéologies totalitaires ou totalisantes, parce qu'il y a des gens d'horizons très différents, de parcours très différents, qui finissent par adhérer à ces idées. Faites-vous un lien entre les inégalités socio-économiques grandissantes dans le monde et la montée de ces idéologies qui imposent une autorité souvent arbitraire, dictatoriale et violente? Évidemment que ça a forcément des liens, mais je ne pense pas que ça explique tout, parce qu'il y a des tas de gens qui, je vous dis, qui sont dans de milieux sociaux pas défavorisés. Il suffit de prendre les gens, d'ailleurs, qui avaient fait les attentats du 11 septembre. Je peux vous dire que c'était des fils de famille saoudiens, donc qui n'étaient pas vraiment pauvres. Un des principes, le plus proche compagnon d'armes, si on peut dire, de Koulibaly, là, qui a fait l'attentat à l'hypercacher à Paris, c'est un type qui était ingénieur dans une grande école en France, qui est parti la veille de l'attentat se réfugier en Syrie. C'est pas toujours des gens de milieux défavorisés. À part ça, bien évidemment que le côté problèmes sociaux pousse des gens, des jeunes de certains milieux défavorisés, à adhérer à ces idées parce qu'ils se reconnaissent ni dans le côté réussite sociale obligatoire aujourd'hui du monde, ni dans plein de choses de la société. Mais ça n'est pas que social. Il y a aussi une haine de l'Occident ou de l'Amérique. Et puis, il y a aussi une adhésion concrète à des idées. C'est-à-dire que les idées religieuses, c'est quelque chose qu'on a trop souvent oublié, je crois, en Occident. C'est quelque chose qui, pendant des siècles et des siècles, a tout de même fait adhérer des gens de tous horizons, aussi bien les rois que les manants, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est quelque chose qu'on a oublié parce que, en Europe, je ne sais pas exactement comment c'est en Amérique du Nord, en Europe, on est tombé dans une espèce de rationalité non religieuse depuis, en gros, le siècle des Lumières, depuis la fin du XVIIIe siècle. Toutes les études sont basées là-dessus, toutes les explications socio-économiques sont basées là-dessus. On oublie que le fait religieux transcende ces critères rationnels habituels. Or, c'est des choses qui ont existé, y compris en Occident, dans d'autres religions. C'est-à-dire que, pas évidemment sous la même forme, mais enfin, à l'époque, je sais pas quoi, au Moyen-Âge, la religion, elle n'était pas extrêmement sympathique et respectueuse des autres, forcément. Les croisades, c'était pas des enfants de cœur, sans jeu de mots, qui partaient les faire. Les conquistadors, c'était pas non plus des gens très sympathiques avec les Indiens d'Amérique du Sud. Donc, on oublie que le fait religieux a souvent poussé des gens à adhérer de façon, je dis pas irrationnelle, mais en tout cas, pas en étant uniquement dans la rationalité. Quelle est votre propre analyse de la situation face à l'adhésion d'une frange de la jeunesse musulmane à cette idéologie qui prône la violence et le refus de la diversité culturelle? Ben, c'est vrai que la jeunesse musulmane, je pense surtout en Europe, mais aussi ou effectivement dans d'autres pays du monde musulman, c'est une jeunesse qui a été souvent abandonnée, qui est en panne d'idéologie. C'est ce que dit un des personnages du film d'ailleurs, Adrami, un des penseurs qui est très suivi sur Internet par des tas de gens. C'est, il dit très concrètement que effectivement on a essayé le communisme, on a essayé le socialisme, lui il dit on a essayé la laïcité, je vois pas très bien en quoi c'est une idéologie, mais enfin bon, passons sur le sujet, et qu'aujourd'hui ce vide un peu idéologique fait que des gens jeunes peuvent tout d'un coup se reconnaître dans ces idées qui sont relativement rassurantes parce qu'elles couvrent l'ensemble de la vie quotidienne. C'est pas seulement des idées politiques ou religieuses, c'est des choses qui disent ce qu'on doit faire quand on est à table, quand on doit manger, quand on doit boire, avec quelle main on doit prendre un verre, etc. Et donc pour des gens un peu perdus, ça peut être rassurant. Mais perdu, ça ne veut pas dire que pour des perdus de façon sociale. C'est perdu, c'est sans doute pas par hasard qu'il y a souvent des fratries, par exemple, qui font des attentats en Europe, des fratries de deux frères, parce que c'est tout d'un coup, c'est des familles des fois disloquées où il y a deux frères qui se rassurent l'un l'autre. C'est-à-dire que, voilà, parce que c'est vrai qu'en Occident, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de ces familles qui sont éclatées, où un des parents est reparti dans son pays et ailleurs. Donc il y a ça, il y a le fait que aussi, bien évidemment, ce qu'on a appelé les printemps arabes avec la fin des dictatures qui avaient, enfin la fin, ne sont pas toutes terminées, disons l'explosion de ces dictatures à ce moment-là, a poussé des tas de gens à faire autre chose. Et c'est vrai que la chape de plomb de ces dictateurs bloquait les sociétés et empêchait, parce que c'était des états policiers, que des gens fassent un peu n'importe quoi et commencent à se laisser aller à ces idéologies. Donc on n'a sans doute pas fait attention à ce qui se passait depuis au moins 15 ans. Quand je dis au moins 15 ans, c'est parce que je crois que la vraie déclaration de guerre contre l'Occident de la part des salafistes, c'est le 11 septembre 2001. C'est les attentats de New York contre les Twin Towers. Mais ça fait, disons, une trentaine d'années qu'il y a une montée de, du salafisme. La première grande raison étant la guerre en Afghanistan, hein, parce qu'à l'époque, on oublie, aujourd'hui, on dit c'est contre les Américains. À l'époque, c'était contre les Soviétiques. Hein, donc c'était contre eux, qui considéraient comme des mécréants. Moi, j'y étais, alors je sais, je m'en rappelle de ce qu'il disait, les Moudjahidines. Donc ensuite, il y a eu, oui, effectivement, il y a pas mal d'explications, comment dire, qu'ils mettent en avant, comme l'invasion de l'Irak après, à partir de 2002 ou 2003. Il y a plein de choses, il y a la colonisation française, mais je pense que toutes les explications sont toujours des explications a posteriori, parce qu'avec les mêmes explications, on ne fait pas... forcément, on ne devient pas forcément salafiste, on ne devient pas forcément djihadiste, on ne fait pas forcément des attentats. Donc ces explications que eux se donnent ou que même nous on donne ne sont pas toujours les bonnes. La géopolitique mondiale semble favoriser la montée de cette idéologie salafiste, d'après vous? Oui, beaucoup, même, je pense. Je pense que le Moyen-Orient est en pleine... déliquescence. Je pense, que quand je dis Moyen-Orient, c'est Moyen-Orient au sens large, c'est-à-dire que les conflits permanents de pouvoir au Moyen-Orient entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran et la Turquie ont permis à Daesh de se répandre de façon incroyable et de s'emparer d'un bon tiers de l'Irak et d'un bon tiers de la Syrie, si ce n'est plus. Oui, parce qu'il y a des intérêts géopolitiques assez complexes. C'est-à-dire, il y a des alliances, par exemple, si on prend que le président Erdogan, le président de la Turquie, il a joué à la fois sur tous les tableaux, un peu comme les Pakistanais à une époque, à la fois en se disant pro-américain, en hébergeant des bases américaines, et en même temps en finançant Daesh, puisqu'il y a eu carrément des membres des services secrets arrêtés chez Daesh qui faisaient des livraisons d'armes. D'un autre côté, l'Arabie Saoudite a aussi financé Daesh pendant longtemps. En même temps, aujourd'hui, elle finance le gouvernement de Général Sissi en Égypte, qui lui-même combat les Daesh. Donc la géopolitique est assez complexe et beaucoup des choses qui se sont passées sont faites aussi à cause de la rivalité sur le pétrole et sur la puissance dans cette région du monde entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé avec effectivement les chiites, qui sont donc les Iraniens, entre autres, étant haïs par les salafistes, puisqu'ils considèrent que ce sont des traîtres, des apostats qui ont abandonné la religion musulmane. Ils parlent d'eux comme des rabbins juifs, des rabbins chiites, et pour eux le terme de rabbin n'est pas un compliment. Ce sont des gens qui ils sont en lutte contre Daesh. D'ailleurs, c'est eux sans doute qui ont récupéré, je parle des chiites, avec l'armée iranienne, une partie de l'Irak contre Daesh, mais les Saoudiens ne veulent pas non plus que les Iraniens aient trop de pouvoir, donc de même qu'ils ne veulent pas non plus que les Qataris aient trop de pouvoir, et du coup les Qataris qui ont financé eux aussi à un moment, à titre étatique ou à titre personnel, les grandes fortunes du pays Daesh, se retrouvent aujourd'hui, les Qataris, à financer les frères musulmans qui sont plutôt opposés à Daesh. Donc toute cette géopolitique, ces alliances qui glissent de l'une à l'autre, qui sont des fois contradictoires, font que ça n'est pas facile d'avancer, ça n'est pas facile de résoudre la question d'aujourd'hui de l'État islamique, qui est très importante, parce que y a beaucoup de gens qui ont intérêt à dire dans leur déclaration d'intention, dans leur discours, qu'ils veulent la destruction de l'État islamique, mais qu'en même temps, ça arrange bien que ça subsiste. L'apparition, disons, de l'État islamique et du djihadisme, qui est une forme de salafisme, a totalement transformé la région sur un plan géopolitique, et je ne parle pas de la Libye, qui est en voie de transformation en trois États différents. On n'en est pas loin en ce moment. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui, oui, bien sûr, est à la fois causé par la géopolitique de la région et qui a des conséquences sur la géopolitique de la région. Et pour la fin, vous retenez quoi de cette expérience de tournage du documentaire salafiste? Je crois que c'est un film qui marque, c'est un film qui est important, c'est un film que personne n'avait osé faire jusque-là. Ce sont des idées que moi je pensais plus répandues qu'elles se sont avérées être, parce que en France, on a eu une résistance d'un certain nombre de gens. Même la télévision qui avait coproduit le film ne veut plus le passer actuellement, ce qui est complètement aberrant. Je pense qu'elle changera d'opinion rapidement. Mais pour l'instant, on se rend compte finalement que beaucoup de gens, en particulier en France, sont dans le déni. C'est dans le déni de la réalité du monde tel qu'il est, parce que certes, il y a des attentats monstrueusement violents, et donc la France est traumatisée, mais au lieu d'assumer la réalité du monde, on est comme si on était, comment dire, à essayer de soigner notre pays et à le soigner en lui cachant la réalité de ce qui se passe. Et je ne crois pas que ça soit une bonne méthode sur le plan médical de faire comme ça. Je pense qu'il faut mieux aller montrer les choses telles qu'elles sont, discuter aux gens et avec les gens. Et surtout faire confiance à l'intelligence des gens. Parce que je crois que les gens sont en demande, en France je le vois, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais je crois que les gens sont en demande de savoir qui sont les gens qui leur tirent dessus, qui tuent leurs enfants, qui les tuent eux quand ils vont à un concert, qui les tuent à une terrasse de café. Ils ont tout de même envie de comprendre, parce que ce sont eux les premières victimes. Donc savoir ce qu'ont dans la tête les gens qui sont en face, oui, ça me semble une question essentielle pour un être humain. Donc je crois que c'est ça que j'ai appris avec le film, et j'en apprends encore beaucoup, parce que le film, on le diffuse un peu partout dans le monde, on fait beaucoup de tournées en France où on le montre, on fait des débats, on le montre même dans des prisons. Il y a des éducateurs qui travaillent avec des jeunes qui se convertissent au salafisme. Je crois que ce film permet un travail important et plus, sans doute plus crédible, parce que justement il donne la parole à des gens que ces gens-là respectent, parce qu'ils les montrent crûment, ils ne les montrent pas de façon brute, mais ils les montrent crûment, par contre, dans leurs mots. Il est sans doute plus crédible auprès d'un certain nombre de gens qu'un discours d'un professeur de sciences politiques, qui est disqualifié auprès de ces gens d'emblée, même si moi, j'adore les professeurs de sciences politiques, et je trouve ça extrêmement important, mais je pense que c'est complémentaire, et que ce n'est pas aux mêmes personnes qu'on s'adresse quand on montre ce film, ou quand on montre, quand on fait une thèse de sciences politiques. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde.